Les complots contre Lumumba. Extrait du rapport d'enquête parlementaire Church. Au cours du mois d'août 1960, les stratèges du Conseil national de sécurité et le groupe spécial de l'administration Eisenhower s'inquiètent de plus en plus de l'importance politique croissante de Lumumba au Congo. Leur appréhension se fonde sur des rapports envoyés au quartier général de la CIA par le chef de la station de Léopoldville. Voici par exemple l'un de ces rapports, en date du 18 août. Ambassade et station estiment que le Congo est l'objet d'une tentative communiste pour renverser le gouvernement. Nombreuses forces au travail ici, soviétiques, partis communistes, etc. Bien qu'il soit difficile de déterminer les facteurs influents principaux pour prévoir l'issue de la lutte pour le pouvoir, la période décisive est proche. Que Lumumba soit vraiment coco ou joue un jeu coco pour appuyer son pouvoir croissant, les forces anti-occidentales appuient de plus en plus le pouvoir congolais et il ne reste peut-être que peu de temps pour agir afin d'éviter un nouveau Cuba. CIA, station de Léopoldville, au directeur, 18 août 1960. Le câble envoyé de Léopoldville citait l'objectif opérationnel de la station, remplacer Lumumba par un groupe d'hommes pro-occidentaux. Bronson Tweedy, chef de la division Afrique des services secrets, répondit qu'il cherchait à obtenir l'accord du département d'État pour déclencher l'opération en question. Nous étions persuadés, le chef de station et moi, que Lumumba devait être, si possible, évincé. Le lendemain, le 19 août, Richard Bissell, directeur des opérations, répond par une dépêche « Vous êtes autorisé à déclencher opération ». Quelques jours plus tard, le chef de station télégraphie « Leader anti-Lumumba ont contacté Kasavubu avec plan assassinat Lumumba ». Kasavubu a refusé le plan, disant qu'il hésitait à avoir recours à la violence, d'autant plus qu'aucun leader ne possède une stature suffisante pour remplacer un Lumumba. CIA, Léopoldville, au directeur, 24 août 1960. Le 25 août, Allen Dulles, directeur général de la CIA, assiste à une réunion du groupe spécial, le sous-comité du Conseil national de sécurité, est responsable du programme des opérations secrètes. La CIA avait préparé divers plans contre Lumumba, prévoyant par exemple de provoquer une motion de censure au Parlement congolais. Commentant ces plans, Gordon Gray, l'assistant spécial du président pour la sécurité nationale, déclara que « le président avait exprimé la conviction profonde qu'il était nécessaire de mener une action très précise afin de prendre en main la situation. Il se demandait si les plans actuels étaient suffisants pour arriver au but. » Le groupe spécial se mit finalement d'accord. Un plan d'action au Congo ne devait pas exclure automatiquement toute action qui permettrait l'élimination de Lumumba. Le 26 août, le lendemain de la réunion, Allen Dulles signe une dépêche pour le chef de station de Léopoldville. Pour les dirigeants de l'organisation, la décision définitive est que si Lumumba continue à tenir le premier rang, le résultat inévitable sera au mieux chaos et au pire la voie ouverte à une prise de pouvoir des communistes au Congo, avec conséquences désastreuses pour le prestige des Nations Unies et les intérêts du monde libre en général. En conséquence, nous décidons que son élimination doit être un objectif urgent et principal. Dans la conjoncture actuelle, ce but doit être hautement prioritaire dans notre plan d'action secrète. Câble CIA, Dulles au chef de station, 28 août 1960. Toujours selon cette dépêche, il fallait donner au chef de station une plus grande marge de décision dans l'opération précédemment autorisée. Ce plan consistait à remplacer Lumumba par un groupe pro-occidental et à ne pas reculer devant des actions même agressives si elles pouvaient rester secrètes. Le câble ajoutait « Nous nous rendons bien compte que des occasions imprévisibles peuvent se présenter à vous ». Dulles autorisait aussi des dépenses allant jusqu'à 100 000 dollars pour mener à terme toute opération ponctuelle qui ne permettait pas de consulter auparavant le quartier général. Elle donnait au chef de station l'impression qu'elle avait été lue et approuvée par les milieux compétents du département d'État. Le câble précisait « Dans la mesure où ambassadeur désire être consulté, prière vous adjoindre son concours. Si, pour action particulière, il ne souhaite pas être consulté, vous pouvez agir seul lorsque temps ne permet pas nous contacter. » Apparemment, on pouvait interpréter le câble comme autorisant seulement d'écarter Lumumba de sa fonction. Richard Bissell est presque certain qu'il a été mis au courant du contenu de la dépêche peu de temps après sa transmission. Dans son témoignage, il affirme qu'à son avis, celle-ci voulait dire d'une manière détournée que le président tenait à l'assassinat de Lumumba. Le lendemain de la destitution de Lumumba par Kasavubu, le 6 septembre, deux agents de la CIA rencontraient un politicien congolais très haut placé qui entretenait des rapports étroits avec la station de Léopoldville. La station transmit au quartier général de la CIA « Suite avis chef de station » Lumumba dans opposition est presque aussi dangereux qu'au pouvoir. Le politicien congolais a fait savoir qu'il comprenait situation et a insinué pourrait éliminer Lumumba physiquement. CIA, Léopoldville au directeur, 7 septembre 1960. Le câble précisait également que le chef de station avait proposé d'aider le politicien à préparer le programme du nouveau gouvernement. Et qu'il lui avait affirmé que les États-Unis fourniraient des techniciens. Au moment où la lutte pour le pouvoir faisait rage, Bronson Tweedy évoquait l'influence de Lumumba sur les événements du Congo et résumait ainsi les craintes principales des États-Unis. Talent et dynamisme Lumumba semblent facteurs dominants permettant de rétablir sa position chaque fois que celle-ci paraît à moitié perdue. En d'autres termes, chaque fois que Lumumba a la possibilité d'avoir le dernier mot, il peut retourner la situation à son avantage. CIA, 7 septembre 1960. Le chef de station dit que le lendemain du coup d'État de Mobutu, il joua le rôle de conseiller auprès d'une faction congolaise qui s'efforçait d'éliminer Lumumba. Il craignait que Lumumba n'ait renforcé sa position en se plaçant sous la protection des Nations Unies, ce qui lui fournissait une base d'opération sûre. Le chef de station Edgman concluait « La seule solution est de lui faire quitter la scène le plus vite possible. » CIA, Léopoldville, au directeur, 15 septembre 1960. Le 17 septembre, un autre agent de la CIA rencontra l'un des leaders du Sénat congolais. Selon la dépêche envoyée au quartier général de la CIA, sénateur congolais a demandé de lui faire parvenir clandestinement fournitures petites armes pour équiper troupes récemment arrivées région Léopoldville. Le sénateur dit que cela permettrait noyau hommes armés volontaires et capables d'entamer action directe. Sénateur a donné son accord, mais avec réticence. Lumumba doit disparaître définitivement. N'a pas confiance autre leader congolais, mais préfère paix avec lui dans le but élimination Lumumba. CIA, Léopoldville au directeur, 17 septembre 1960. Le représentant de la CIA dit au sénateur qu'il examinerait la possibilité d'obtenir des armes. Et il recommanda au quartier général de la CIA de tenir fourniture armes prête à partir vers base la plus proche, à condition décision États-Unis fournir armes nécessaires et garanties. CIA, 17 septembre 1960. Cette recommandation s'inscrivait dans les plans à long terme du quartier général de la CIA, qui prévoyait un soutien paramilitaire clandestin aux éléments anti-Lumumba. Le 6 octobre 1960, Richard Bissell et Bronson Tweedy signèrent un câble donnant l'ordre au chef de station de ne pas discuter avec les représentants du département d'État ou avec des contacts opérationnels. Prévoyant issue incertaine situation actuelle, CIA mène plan conjoncturel concernant Congo selon stratégie échelonnée. Ce plan est destiné à préparer la situation dans laquelle les États-Unis apporteraient soutien clandestin à éléments en opposition armée à Lumumba. Action envisagée comprend fourniture armes, approvisionnement divers et peut-être un entraînement des groupes de résistance anti-Lumumba. CIA, directeur à Léopoldville, 6 octobre 1960.